Section 71 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, troisième partie. Les Polonais et les Lituaniens, par Ernest Denis. La Pologne, du 11e au 13e siècle. En Pologne comme en Bohême, l'incertitude des lois qui règlent la succession au trône et les troubles perpétuels qui en résultent ont pour conséquence, à l'intérieur, l'affaiblissement de la royauté et la ruine des institutions nationales. Au dehors, la perte des anciennes frontières et l'invasion étrangère. Seulement, les résultats de cette longue période de dissension et d'abandon sont ici plus funestes encore qu'en Bohême, parce que les conditions géographiques sont moins favorables à la défense et l'unité politique plus instable. Les anciennes tribus, que n'a pas complètement fondue une royauté trop récente, retournent à une demi-indépendance, des centres divers se constituent, et ils ne se résigneront pas sans arrière-pensée à reprendre plus tard l'existence commune. Les défauts naturels aux Slaves, la passion excessive de l'indépendance individuelle, les tendances particularistes et anarchiques, le goût pour les confédérations et les ligues, en un mot, l'impuissance à comprendre et à accepter les conditions de la vie sociale, que l'histoire au moins dans une certaine mesure contient et corrige en Russie, sont au contraire développés et exagérés en Pologne par les événements. Incapable de défendre contre les Allemands la Silésie, la Poméranie et la Prusse, coupé des montagnes et de la mer, refoulé de l'Oder sur la Vistule, les Polonais ne parviennent pas à s'assimiler les régions du Dnieper et du Dniester que leur livrent un moment les divisions des Russes, et leurs conquêtes sans avenir n'ont d'autre effet que d'envenimer entre les Slaves latins et byzantins des inimitiés dont profiteront leurs voisins. Dès ce moment, l'avenir de la Pologne est fixé. Sans frontières, sans bourgeoisie, sans constitution, sans tradition politique, elle aura de grands souverains, une chevalerie héroïque et des siècles de gloire. Mais elle ne s'élèvera jamais à l'intelligence de ses véritables destinées. Elle s'épuisera dans des combats de pure magnificence. Elle gâchera sa vie et ses admirables qualités, inutiles à elle-même et souvent nuisibles aux autres peuples slaves. Boleslav le Hardi, 1058-1079. Il n'avait guère fallu plus d'un quart de siècle et d'un prince médiocre pour mettre à néant l'œuvre de Boleslav le Vaillant. Boleslav le Hardi rendit un moment à la Pologne une apparente prospérité. Très inférieur à son modèle, il n'en avait ni la clairvoyance étendue, ni la persévérance. Ses courses victorieuses ne furent guère que des aventures, et, en détournant l'ambition de son peuple vers la conquête de la Russie rouge, il l'éloigna de ses véritables intérêts. Du moins, il sut maintenir son indépendance vis-à-vis de l'Allemagne. Dans la querelle du sacerdoce et de l'Empire, il se prononça pour l'Église, et ce fut sans doute avec l'autorisation de Grégoire VII qu'il prit, en 1076, la couronne royale. La fin de son règne fut cependant troublée par des démêlés avec le clergé. La légende raconte que l'évêque de Cracovie, Stanislas, plus tard canonisé, s'attira la haine du roi, qui le tua, 1079, et que ce meurtre fut le signal d'une insurrection à la suite de laquelle Boleslav dut quitter le pays. Il est facile de deviner sous cette vague tradition le caractère véritable des faits. Le clergé, jusqu'alors, avait été le docile instrument du souverain, pénétré à son tour par l'esprit d'indépendance et de domination qui, à cette époque, soulève l'Église entière, il réclame des privilèges plus étendus et, soutenu par l'oligarchie laïque, triomphe des résistances de la royauté. Dès le règne de Boleslav, l'avenir de la Pologne se trouve ainsi nettement indiqué. Héroïque et imprudente, anarchique et catholique, elle manquera toujours des qualités les plus nécessaires à une nation, le sens politique et l'esprit d'organisation. Boleslav a la bouche tordue. 1102-1138. Cette noblesse, cependant, ecclésiastique ou laïque, si prompte aux révoltes, il n'eût pas été impossible d'en employer au service de la patrie l'exubérante ardeur. Il suffisait pour cela d'une main ferme et d'une volonté claire. On le vit bien, sous Boleslav Krzyżewski, le plus grand peut-être des princes polonais. Malgré les progrès de l'aristocratie, la Pologne n'était nullement encore un état féodal. Les seigneurs ne constituaient pas une caste héréditaire, n'avaient aucune immunité juridique et se recrutaient parmi le peuple. Les liens qui les rattachaient à la nation étaient encore fort étroits et il était facile de faire d'eux les instruments dociles du souverain. Boleslav le comprit. On l'a comparé à Charlemagne et il rappelle en effet le grand empereur, non sans doute par les succès ou la longue influence, mais par ses procédés de gouvernement. Il sait pénétrer les seigneurs de son esprit, les grouper autour de la royauté, occuper leur activité en leur proposant de vastes ambitions. Comme Charlemagne aussi, ces guerres continuelles augmentent en définitive l'influence de la noblesse. Une caste particulière se forme, la chevalerie, qui ne se distingue encore de la masse du peuple que par ses devoirs et ses habitudes militaires, mais qui s'en distinguera bientôt par ses droits. Conquête de la Poméranie, Otto de Bamberg. Boleslav avait répondu à l'empereur Henri V qui le sommait de reconnaître la suzeraineté impériale, qu'il préférait la mort à la honte, et il avait vaillamment soutenu par les armes la fierté de ses déclarations. Mais pour assurer l'indépendance de la Pologne, il fallait lui donner les rives de la Baltique. La Poméranie, dont les frontières ont souvent varié, comprenait primitivement le territoire qui s'étend de l'Oder à la Vistule et que borne au sud le pays boisé, coupé par la Warta et la Netz. Les Slaves qui l'occupaient appartenaient au même groupe ethnographique que les Lèches. Pas plus que les Polabes, ils n'avaient su constituer un état véritable et leur division éveillait les espérances des Allemands qui, à peine arrivés à l'Oder, pensaient déjà à pousser plus avant. Boleslav les prévint. La résistance des Poméraniens fut acharnée. La guerre était à la fois nationale et religieuse. Au moment où l'Europe se lançait à la conquête de Jérusalem, les Polonais voulaient soumettre au Christ les infidèles qui s'obstinaient à rejeter sa loi. Mais l'ardeur de leurs ailes était aiguisée par l'obscur pressentiment de leur patriotisme. Ils devinaient qu'ils ne pouvaient pas laisser à d'autres les bouches de leur fleuve. En 1122, tous les princes poméraniens reconnurent l'autorité de Boleslav. Sa domination demeurait pourtant incertaine tant qu'il n'avait pas accepté le christianisme. Le clergé polonais abandonna l'œuvre de conversion à un Allemand, Otto, évêque de Bamberg. Otto n'était ni un saint ni un héros. Il ne courut pas de bien sérieux dangers et son éloquence eut moins de part à ses succès que la politique et les victoires de Boleslav. Mais l'intervention d'un évêque impérial dans ces régions n'en eut pas moins pour effet de compromettre le résultat des pénibles et glorieuses expéditions polonaises, et les Allemands revendiquèrent dès lors le pays qu'ils se targuèrent d'avoir gagné à la civilisation. La Pologne au XIIe siècle. Grâce à l'ordre maintenu par Boleslav et à son habile gouvernement, la prospérité publique se développe rapidement. Sous l'influence des réformes accomplies par Grégoire VII, les mœurs du clergé s'épurent, son instruction se développe et il prend réellement la direction morale du peuple qu'il s'était longtemps contenté d'exploiter. Il enseigne aux habitants une culture plus rationnelle, introduit une nourriture meilleure, établit les premières écoles industrielles, appelle des colons et, en éveillant des besoins supérieurs, développe le goût du travail. Les églises en bois font place à des églises en pierre, ornées de statues et de fresques. Les écoles, les monastères et les cathédrales se multiplient. Beaucoup de leurs élèves vont terminer leurs études à l'étranger, et en particulier à Paris. Ils en rapportent des manuscrits, et après les avoir copiés, on s'en inspire. Le chapelain de Xrivusti, Martin Gallus, écrit la première véritable chronique polonaise. Malgré ses relations étroites avec l'Occident, la Pologne reste encore purement slave. Les mœurs y sont singulièrement semblables à celles des Russes. Les institutions, même empruntées à l'Allemagne, se modifient sous l'influence des traditions nationales. À la cour des Piastes, comme à celle des successeurs de Yaroslav, la vie est fort primitive et les souverains ne connaissent guère d'autres distractions que la guerre et la chasse. Ils recherchent avec passion les fourrures et les broderies tissées d'or venues de Byzance. Les amis ou confidents du roi constituent une sorte de drujina, avec moins de cohésion cependant et de fixité. La royauté n'a pas encore perdu son caractère patriarcal, et malgré les richesses de la noblesse, les diverses classes restent soumises aux mêmes droits et aux mêmes charges. Cependant, l'habitude s'introduit de plus en plus de confier les fonctions publiques aux membres de l'aristocratie, et si les paysans sont personnellement libres, ils se forment au-dessous d'eux diverses catégories d'esclaves ou de serfs, au niveau desquels les nobles s'efforceront de rabaisser la plupart des habitants. Les villes naissent à peine. Gniezno, Gniezen, la capitale du royaume, Breslau, Cracovie et Sandomir, où résident le plus souvent les princes, puis Posen, Kolberg, Lébus, Golgao, Plock, etc., ne semblent pas avoir encore une grande importance, et leur influence est à peu près nulle. Leurs institutions municipales sont très voisines, autant que nous pouvons en juger, de celles des communes russes. La nation s'occupe surtout d'agriculture, laisse aux autres le commerce et l'industrie. En somme, la séparation des Polonais et des Russes, préparée par leur conversion au christianisme, ne deviendra définitive et profonde qu'après l'invasion mongole. Ruine de la royauté, la Pologne morcelée. Xrivusti, en partageant son royaume, avait réservé à son fils aîné une primauté qui resta attachée à la possession de la ville de Cracovie. Mais lorsque Kiev, en Russie, ne réussissait pas à maintenir sa suprématie, Cracovie, qui n'avait ni la même antiquité ni le même prestige, ne pouvait assurer à ses ducs qu'un bien faible prestige, d'autant plus qu'il leur manquait un signe visible et un symbole de leur supériorité. Xrivusti avait négligé ou dédaigné d'acquérir la couronne royale, de sorte que tous ses successeurs portaient le même titre et paraissaient égaux. Les revendications des aînés se heurtèrent à d'invincibles résistances et provoquèrent des guerres presque continuelles. Comme l'unité n'était pas fort ancienne et que les anciennes différences des tribus étaient loin d'avoir disparu, les querelles des princes prirent un caractère politique et ethnique et en devinrent plus longues et plus graves. Les nobles et les évêques envenimèrent des divisions grâce auxquelles ils étendaient leurs privilèges et disposaient de la royauté. Dès 1177, le synode de Lex élit le souverain. Un siècle après cette mort de l'évêque Stanislas, qui avait préparé la première défaite de la royauté, l'aristocratie franchissait sa deuxième étape dans sa marche victorieuse vers l'indépendance et le pouvoir. L'ancienne monarchie avait vécu. Il y a encore pendant ce siècle une race polonaise. Il n'y a plus en réalité de Pologne. La Silésie, la Mazovie et la Cujavie, la Poméranie, la Grande et la Petite Pologne ont chacune leur histoire particulière, leur dynastie, leur développement spécial. Les divergences primitives s'accentuent. Dans chacune des provinces, les mêmes règles de succession au trône entraînent des compétitions acharnées, des révoltes, des subdivisions nouvelles, des remaniements incessants de territoires et comme un perpétuel flottement de la matière politique. Sans doute, même pendant ces temps troublés, l'idée de l'unité nationale ne disparaît pas complètement et au jour de l'invasion, le peuple se retrouve tout entier. Ce sentiment vague et intermittent de solidarité n'aurait pas cependant protégé la Pologne si, par une singulière fortune, tous les États voisins n'eussent été à la même époque paralysés par de graves complications intérieures. Elle réussit à conserver son indépendance, mais elle laissa les Allemands prendre pied sur la rive droite de l'Oder et en Poméranie. Et ses conquêtes sur la rive droite de la Vistule ou dans la Russie rouge furent loin de compenser ses pertes. L'invasion mongole. Dans cet état d'anarchie, la Pologne fut surprise par l'invasion mongole. Elle défendit le terrain pied à pied. Les Mongols, victorieux à Chmielnik, brûlèrent Sandomir, Cracovie, Breslau et écrasèrent à Liegnitz les Silésiens commandés par le duc Henri le Pieux, 1241. Le gros des envahisseurs recula bientôt vers l'est, mais il laissa derrière lui des bandes qui continuent pendant un demi-siècle à ravager le pays. Elle brûle de nouveau Cracovie et Sandomir, 1259. Elle les assiège une troisième fois en 1288. Par sa résistance, la Pologne avait-elle sauvé l'Europe, comme l'affirment les historiens? En tout cas, elle avait fait tout son devoir, refusé de courber la tête devant l'ennemi de Dieu, couvrant de son corps le christianisme et la civilisation. Elle avait conquis dans cette première rencontre ses éperons de chevalier chrétien. Mais elle sortait de la tourmente saignante et mutilée. Les progrès de la civilisation ne s'étaient pas arrêtés après la mort de Krzyżuski. La division du pays n'avait pas été sans présenter quelque avantage. Chaque cour était devenu un centre d'éducation et de progrès. Après le passage des Mongols, il ne reste de tout ce travail qu'un amas de décombres. Les villages sont en cendres, les champs en friches, les populations dispersées. Tout est à recommencer. L'ancienne Pologne a disparu. La société nouvelle qui se constituera ne rappellera que de fort loin la précédente. Les conséquences morales sont plus funestes encore que les pertes matérielles. Surprise brutalement en pleine croissance, la Pologne a perdu le goût du travail et comme le sens de la vie. Les âmes timides et pieuses se réfugient dans le mysticisme, se jettent dans les cloîtres. Jamais la Pologne n'a produit autant de saints. Des couvents innombrables s'élèvent. L'Église entasse d'immenses richesses. La canonisation de Stanislas, qui devient le patron du pays, est comme le symbole de la mainmise du clergé sur l'État. D'autre part, chez la plupart des victimes de cette crise, le même sentiment de fatigue et d'abandon se traduit par une soif fiévreuse de jouissance et une ambition brutale. Le peuple est grossier et dissipateur. La noblesse, ignorante, légère et cupide. Devant la grandeur de la tâche qui s'impose à elle, la Pologne, prise de désespoir, s'abandonne. Elle se relèvera cependant, mais grâce à l'appui de l'étranger, et cet appui, il faudra qu'elle le paye par la perte de ses plus importantes provinces. L'immigration allemande, la féodalité. Depuis longtemps, les Allemands s'étaient établis dans le pays. Ils appellent à leur aide de nouveaux colons. Certaines parties avaient toujours été assez médiocrement peuplées. D'autres avaient été abandonnées par leurs habitants. Les paysans saxons ou flamands à cour et, comme en Bohême, les rois, les nobles et les couvents leur prodiguent les privilèges. C'est le moment où la région située au confluent de l'Oder et de la Warta se rattache à la marche ascanienne. En même temps, deux colonnes serrées occupent les frontières septentrionales et méridionales de la Pologne et l'enferment comme dans un étau. Au nord, la Poméranie devient allemande. Au sud, la Silésie, où l'œuvre de germanisation a commencé avant l'invasion mongole, sous le règne de Henri Ier le Barbu, se détache complètement de la Pologne. Lorsque Casimir le Grand, en 1335, renonce à toute prétention sur cette province en faveur de Jean de Luxembourg, il ne fait que reconnaître une séparation depuis longtemps accomplie, et la domination allemande y est si solidement assise que trois siècles de suzeraineté tchèque ne l'ébranleront pas. Dans la lutte qui met aux prises les Allemands et les Slaves, la Silésie devient un des principaux forts avancés qui couvrent l'Empire. Elle ne lui rendra pas moins de service que la province de l'ordre teutonique, et à plusieurs reprises, aux heures de décadence, elle protégera l'Allemagne contre les défaites irrémédiables. La marée germanique est si forte qu'elle menace de tout submerger. Déjà, la Grande Pologne est envahie, la Petite Pologne presque conquise. Ici, du moins, la noblesse s'avise à temps du péril que court le pays et réagit contre l'imprévoyant abandon des rois. Mais les villes restent allemandes. Cracovie, Posen, Lvov, Lemberg. Grâce au réveil du sentiment patriotique slave, la Pologne conserve sa nationalité, mais reste démembrée et démantelée. Comme en Bohême, l'introduction en masse de colons soumis à des lois particulières entraîne la ruine des anciennes institutions. L'Église, exploitant habilement la recrudescence générale de piété, s'affranchit de la compétence des tribunaux ordinaires, conteste au prince tout droit d'intervention dans les nominations canoniques, étend ses propriétés et soustrait à l'autorité des pouvoirs publics les paysans de ses domaines. La noblesse se sépare du reste de la nation, devient héréditaire, s'arroge le droit exclusif de porter les armes et s'organise en confédération qui impose au roi leur volonté. Sans doute, il lui faudra plusieurs siècles pour achever ses conquêtes, pour réduire les paysans en servitude et la royauté en tutelle. Mais dès lors, la Constitution, bien que sur quelques points essentiels, elle se distingue encore de la féodalité allemande, n'en repose pas moins sur les idées de privilèges et de hiérarchie. Fondation de l'ordre teutonique. Les Polonais, absorbés par leurs querelles intestines, ne s'étaient pas même senti le courage de poursuivre la lutte contre les peuplades païennes qui infestaient leurs frontières du nord et de l'est, et leur imprudence avait laissé l'honneur de les convertir à des auxiliaires étrangers. Cette indifférence fut cruellement punie. Les côtes de la Baltique, de la Vistule à la Prégèle, étaient occupées depuis le IIe siècle après Jésus-Christ par des peuples letto-lituaniens que les textes les plus anciens nomment Prusi ou Pruténi, Prussiens, ce qui signifie peut-être les raisonnables. Assez peu nombreux, divisés en tribus sensiblement différentes par la langue et même par le sang, les Prussiens, avant que la guerre d'extermination qu'ils soutinrent eût endurci leurs mœurs, semblent avoir été d'humeur assez douce. Ils n'avaient pas dépassé un degré fort inférieur de civilisation, adoraient les forces naturelles et, protégés par les marais et les forêts qui rendaient leur retraite presque inaccessible, ils n'avaient ni organisation politique, ni chef permanent. Sans cesse en guerre avec les Polonais, les Prussiens avaient repris l'offensive depuis la mort de Krzyrusti et leurs incursions, peu redoutables, étaient ruineuses. Christian, le premier évêque de Prusse, mort en 1242, avait fait parmi eux d'assez nombreux prosélytes, mais ses succès avaient irrité les païens qui ravagèrent à diverses reprises la Poméranie, la Massovie et la Cujavie. Les croisades exaspéraient les haines sans avoir aucun résultat durable. Christian et les Polonais comprirent qu'on ne soumettrait les Prussiens qu'en établissant au milieu d'eux une force permanente et toujours prête. On a vu plus haut comment s'est fondé l'ordre teutonique. Le quatrième grand maître des teutoniques, Hermann de Salza, acquit la conviction que toutes les attaques contre les Sarrasins étaient vouées à un échec inévitable et chercha ailleurs un champ de combat plus favorable. André II de Hongrie lui donna le sud-est de la Transylvanie, mais les Hongrois s'émurent de ses projets et André II, irrité par une lourde imprudence d'Hermann, révoqua sa donation. 1224. La même année, les Polonais appelèrent à leur secours contre les Prussiens. Quelques années s'écoulèrent cependant avant que l'accord se fît entre les deux parties. L'évêque Christian et le duc de Massovie, Conrad, mécontents des exigences des Teutoniques, fondèrent un nouvel ordre, les Chevaliers du Service de Dieu en Prusse. Ils établirent à Dobzrin, mais les frères de Dobzrin ne furent ni très habiles ni très heureux, et Conrad dut se résigner à accepter les conditions d'Hermann. Le traité de Leslau, 1230, cédait aux Teutoniques le pays de Kulm, c'est-à-dire le territoire compris entre la Drevens et la Vistule inférieure. Il ne réservait même pas nettement les droits suzerains de la Pologne. On a vu plus haut comment l'empereur Frédéric II, le pape Grégoire IX et Innocent IV profitèrent de cette imprudence. Les possessions de l'ordre devinrent fiefs de l'Église et fiefs de Saint-Pierre. L'ordre entreprit aussitôt la conquête et, soutenu par les troupes de croisée qui presque chaque année arrivaient d'Allemagne, il obtint de rapides succès. La rive droite de la Vistule fut occupée, puis une partie de la Verbie. Des colons allemands commencèrent à prendre possession du sol, des villes s'élevèrent. Kulm, Thorn, Marianne Werder, Helbig. La puissance de l'ordre fut doublée sur ses entrefaites par sa fusion avec les chevaliers Porte-Glèves, qui lui apportaient un domaine déjà considérable. Les Porte-Glèves. Les rives orientales de la Baltique étaient occupées par des peuples finnois, Est, Livres et Corses, ou lituaniens, Lep, Cels et Sénégal. Un moment soumis par Yaroslav, qui fonda Yurev, Dorpat, sur l'Embach, et par Vladimir Monomac, ils n'avaient pas eu cependant en général trop de peine à maintenir leur indépendance contre les Russes, qui oubliaient alors la Baltique pour la mer Noire. L'œuvre de conversion, abandonnée par les Slaves, fut reprise par les Allemands. Les origines de la Livonie allemande se rattachent à la seconde création de Loutchek en 1158 par Henri le Lion. Du Haut-Dnieper, la route commerciale ordinaire conduisait par Polotsk et Smolensk dans le bassin de la Duula. De là, les vaisseaux faisaient voile vers la Trave en touchant à Visby dans l'île de Gotland. La tentation vint bientôt aux Allemands de prendre solidement pied dans un pays qui ouvrait au commerce de si vastes perspectives. L'évêque Maynard, qui a reçu le nom d'apôtre de la Livonie, appela quelques colons, construisit à Uexur une église et une forteresse, 1187, et prépara ainsi les voies au véritable fondateur de la puissance germanique dans ces contrées, l'évêque Albert, 1198-1229. Celui-ci jeta les fondations de Riga dans une situation admirable, à l'endroit où l'embouchure de la Riga, sur la rive droite de la Duuna, forme un excellent port naturel. La nouvelle cité devint presque aussitôt une importante place de commerce. Elle est restée depuis la capitale de la Livonie. Albert avait besoin d'une armée permanente. Il institua l'ordre des Porte-Glèves, 1200, que confirma une bulle d'Innocent III, 1204. Très supérieur à leurs adversaires, mieux disciplinés, mieux armés, servis par les rivalités des divers peuples qu'ils avaient devant eux, les Porte-Glèves soumirent rapidement les Livres et les Letts, et, maîtres de la Livonie, commencèrent la conquête de la Courlande et de l'Estonie. Moins de 20 ans après l'arrivée d'Albert, le pays était transformé. À l'embouchure de la Duuna s'élevait une église à laquelle s'adossa bientôt une forteresse, Duunamund, Holm, Uexhul, Lennenwarden, Kokensuben dominait le fleuve. Venden, sur la Haa, était la seconde capitale de la Livonie, et au nord, Felin menaçait Yurev, Dorpat. Un moment arrêté par les succès du roi du Danemark, Valdemar le Victorieux, l'ordre reprit bientôt sa marche en avant et termina la conquête au nord par la prise de Yurev, Dorpat, 1224, et l'occupation de l'île d'Ozel, 1227, tandis qu'au sud, il s'avançait à travers la Courlande à la rencontre des avant-postes que l'Allemagne lançait vers le Niémen. La différence est grande cependant entre les établissements allemands des provinces orientales et des provinces méridionales de la Baltique. Comme l'a dit justement M. Schiemann, la Poméranie et la Prusse furent une prolongation de l'Empire. La Livonie et la Courlande n'en furent qu'une colonie. Il y arrivait nombre de marchands et d'aventuriers, mais la plupart revenaient ensuite dans leur patrie, et dans tous les cas, ils ne prenaient pas possession du sol. Comme la résistance avait été courte, elle n'avait pas éveillé ces haines féroces qui, ailleurs, se traduisirent par des mesures d'extermination. La population, enfin, médiocrement belliqueuse, paraît avoir été singulièrement tenace et résistante. Les habitants furent soumis, mais ils conservèrent leur langue, leurs mœurs, leur nationalité. Aujourd'hui encore, dans ces provinces, où les Allemands ont régné pendant 6 siècles, ils représentent moins de 7% de la population, tandis que les Finnois en forment les 39% et les Lituaniens les 47%. Cela nous explique que la domination des Porte-Glèves soit restée un peu chancelante et facile à ébranler. Tant qu'ils n'avaient eu en face d'eux que des peuples isolés, le péril n'était pas grand. Mais de nouveaux adversaires se préparaient contre eux, les Russes de la haute Duuna et du pays Pousse, qui, sortis enfin de leur longue indifférence, s'effrayaient de se voir fermer la Baltique, les Lituaniens qui commençaient à s'organiser. Le grand maître des Porte-Glèves, Wolkin, pour sauver la nouvelle Allemagne, eut l'idée de réunir les deux ordres militaires de la Baltique, et après quelques hésitations, Hermann de Salza y consentit. 1237. La croix noire fraternisa avec la croix rouge. Les domaines des Porte-Glèves furent administrés par un Landmeister de l'ordre teutonique. L'ordre à son apogée. Cette fusion permit aux Allemands de faire face de tous les côtés. Dans les provinces méridionales de la Baltique, de terribles insurrections mirent plusieurs fois en question les succès acquis. Enfin, vers 1283, les Prussiens renoncèrent à la lutte et toute la région qui s'étend depuis le Grand Coude de la Vistule jusqu'au-delà du Niemen inférieur et depuis les deux Haff jusqu'au plateau qui domine le Memel, la Prégène et la Narev, fut définitivement soumise. La résistance avait été héroïque et la répression atroce. Le pays était littéralement vide d'hommes. Les rares indigènes qui n'avaient pas été exterminés ou n'avaient pas préféré l'exil à la servitude furent réduits au plus lourd esclavage. Ils se perdirent rapidement au milieu des colons appelés d'Allemagne. L'extinction de la dynastie poméranienne en 1295 permit aux chevaliers de s'emparer de la Poméranie, d'occuper la rive droite de la Vistule et d'entrer ainsi en communication directe avec l'Empire. 1308-1309. Singuliers hommes que ces teutoniques, soldats brutaux et administrateurs avisés, moines capables de tous les renoncements et négociants aventureux, par-dessus tout hardis et prévoyants hommes d'État. Durs et rapaces mais résistants, valeureux et prudents, placés par la fortune dans des circonstances les plus propres à favoriser le développement des caractères distinctifs de la race, ils avaient réussi à fonder un puissant État sans le secours de l'Allemagne officielle, et ils surent maintenir leur position en dépit de l'indifférence des empereurs. Sous leur autorité, il se constitua dans ces provinces orientales une nationalité distincte qui dut, à son mélange avec les Lituaniens et aux luttes qu'elle traversa, une vitalité singulière. Lorsque plus tard la fortune réunit les conquérants de la Prusse et ceux du Brandebourg, la fusion fut facile entre deux populations qui, grandies dans des circonstances analogues et préparées par une jeunesse laborieuse aux entreprises les plus redoutables, s'étaient habituées dès la première heure à répandre au dehors la gloire du nom allemand. Dans les provinces de la Baltique orientale, la prise de possession fut moins complète, mais les succès ne furent pas moins éclatants. La soumission de la Sémigalie en 1290 termine alors la période de conquête, et le bas allemand règne à ce moment des Bouches de l'Escaut à celles de la Narva. Les cathédrales de Dorpat et de Riga, Saint-Olaf et Saint-Nicolas de Revel, témoignent encore aujourd'hui de l'importance des communes germaniques de la Livonie, de l'Estonie ou de la Courlande. Elles comptèrent parmi les membres les plus actifs de la Hanse, et leur fière indépendance fut plus d'une fois redoutable aux chevaliers. Réveil de la nationalité polonaise. Tant de défaites soulevèrent enfin le sentiment national slave, ou plus exactement le créèrent. Les Polonais, menacés de tous côtés par les Allemands, protestèrent contre la politique imprévoyante qui livrait la patrie aux étrangers et sentirent les dangers du morcellement qui énervait leur résistance. Quand un peuple a la volonté claire d'échapper à la servitude, les occasions ne lui manquent pas toujours. La mort de Henri IV de Silésie en 1290 marque une période nouvelle dans l'histoire de la Pologne. Przemyslaw de Gniezno, que soutient le Parti National, meurt trop vite pour exercer une action bien profonde, 1296. Il montre du moins à ses successeurs le but à atteindre, et en se faisant couronner roi, il reconstitue en face de l'étranger le parti de l'indépendance. La Pologne allait trouver d'ailleurs un précieux allié dans un peuple, au moins un demi-slave, les Lituaniens, qui sortent alors de leur langue enfance. Les Lituaniens. Les Lituaniens, dont les Prussiens formaient le poste le plus avancé vers la mer, avaient leurs principaux établissements dans le bassin du Niemen, divisés en deux groupes principaux, les Jmoud sur la Dubissa et la Neviaja, et les Lituaniens proprement dit sur le Niemen et la Vilia. Ils avaient poussé vers le nord les Sémigales et les Lettes, sur la de Courlande et la Neva, et à l'ouest les Yatschwags sur le Bug. Fractionnés en une multitude de tribus indépendantes, en guerre perpétuelle avec les Russes, leur ambition s'était agrandie depuis la décadence de Kiev, et l'idée d'un empire lituanien russe commençait à hanter l'imagination de leurs chefs les plus hardis. Minudov, un des princes qui se partageait le pays, parvint à chasser les autres capitaines et réunit la nation autour de lui en l'appelant à la conquête des provinces voisines. Maître de Vitebsk et Polotsk et de Smolensk, il désarme les Teutoniques en acceptant le christianisme, obtient la protection d'Innocent IV et la couronne de roi. Il revient bientôt au paganisme pour satisfaire ses sujets et essaye de chasser les chevaliers. Malheureusement, il périt assassiné en 1263 et la Lituanie, de nouveau morcelée et où les anciennes haines se compliquent désormais des luttes entre les païens et les chrétiens, abandonne les Prussiens à l'Allemagne. Les espérances qu'avait suscitées Minudov n'étaient pas cependant oubliées de tous et ses projets furent repris au siècle suivant avec plus d'énergie et de succès par Gédimin et Vitovt. Ce n'est pas un des épisodes les moins curieux de l'histoire orientale que la formation de cet empire lituanien qui, sans autre appui que la volonté de quelques hardis politiques, en dépit de la géographie et de l'ethnographie, s'élève un moment à une puissance imprévue et n'est guère moins redoutable aux Polonais qu'aux Russes. Fin de la section 71.